5000 piastres. Franchement, on y est. Alors, qu'est-ce que la joie? La joie, c'est un mécanisme qui doit être expérimenté qui doit être expérimenté dans un cadre qui entoure le moment d'expérimentation de la joie, un cadre de tristesse, un cadre de malheur. Pour que la personne puisse savoir qu'elle est joyeuse. Et c'est toujours le problème, l'homme ne sait rien de par lui-même, tant qu'il est dans un contexte planétaire, l'homme n'est pas prescient, l'homme ne sait pas avant de savoir. Donc, l'homme, pour savoir, faut qu'on lui dise. Ici, au centre, et je vous révèle quelque chose qui se fait partout sur la planète, dans tous les endroits ésotériques, spirituels, politiques, militaires, n'importe quoi, partout. Mais c'est quelque chose qui n'a jamais été dit à un public. Ici, on doit dire au monde que les conférences sont bonnes, et on doit dire au monde qui viennent aux conférences qu'elles sont bonnes, parce que comment voulez-vous qu'ils sachent si on ne le dit pas? C'est vrai, ils ne peuvent pas savoir si on ne le dit pas. Il faut que le monde applaudisse pour que le monde sache que la conférence était bonne. Il faut qu'il y ait beaucoup de personnes pour que le monde sache que la conférence était bonne. J'ai déjà demandé à une personne, on parlait d'une conférence où elle était venue, c'était la seule conférence où elle était venue, et elle a commencé à faire référence à cette conférence-là en disant « Oh oui, mais c'était pas une belle et bonne conférence, il y a presque pas de monde. » C'est ça. Et dans la psychologie, dans n'importe quel genre d'expression évolutive de l'ordre de la psychologie, de l'ordre de l'astral, l'homme doit se faire dire qu'il est dans un état pour expérimenter l'état. Sinon, il ne le sait pas. Présentement, vous êtes peut-être heureux, heureuse dans un slalom extraordinaire, mais vous ne le savez pas. Fait que vous ne pouvez pas être heureux, parce que vous ne le savez pas. Vous devez le savoir, expérimenter, et c'est psychologique. Donc, la joie, c'est quelque chose qui apparaît lorsqu'on vous donne un break. Tout le temps. C'est pas vous autres qui le déterminez, parce que ça fait 10 ans que vous êtes joyeux sans jamais qu'il y ait de coupure. Vous êtes plus joyeux. Vous êtes écœuré. Vous ennuyez. Vous trouvez ça plate. Et c'est toujours comme ça. La joie, c'est pas une émotion bénéfique. La joie, c'est une émotion. Une émotion qui est l'antipode d'une émotion. Une émotion qui remplit le vide laissé par la disparition d'une autre émotion. L'homme ne vit jamais 2 émotions en même temps. L'homme ne vit qu'une émotion à la fois. Il peut faire référence à une émotion, à une autre, à une autre, à une autre, mais il n'en vit qu'une à la fois. Et cette émotion-là, c'est ce qui remplit le trou de sa conscience psychologique le temps que le reste le laisse en paix. Et pour que l'homme sache qu'il est joyeux, l'homme doit avoir souffert. Et l'homme doit ressouffrir pour reprendre conscience qu'il était bien. Sinon, il ne sait plus qu'il est bien. Il ne sait plus, il l'oublie. Alors, j'étais bien. Il faut que tu quittes ta maison pour savoir que tu es bien chez vous quand tu reviens. Sinon, à un moment donné, c'est plate en maudit chez vous. Et ça, c'est d'ordre psychologique. Et ces choses-là, au niveau mental, vont disparaître parce que l'homme ne pensera plus, premièrement, et parce que l'homme ne détermine, l'homme n'aura plus besoin, l'homme va être conscient, mais une conscience qui va être différente d'une conscience expérientielle, l'homme va avoir une conscience instantanée, parce que l'homme va être connecté à un savoir instantané, et l'homme n'aura plus besoin d'avoir des hauts et des bas pour expérimenter le haut. L'homme, présentement, a besoin d'avoir un bas pour connaître le haut, et le haut lui permet de connaître le bas. Et lorsque l'homme comprend les mécanismes, lorsque l'homme devient intelligent, lorsque l'homme comprend ce qu'est l'amélioration, lorsque l'homme comprend ce qu'est l'économie d'énergie, lorsque l'homme comprend ces choses, il n'a plus besoin de perdre de l'énergie pour découvrir la jouissance de l'économie d'énergie. Lorsque l'homme accole un mécanisme psychologique à un mécanisme intelligent, il détruit l'intelligence pour en faire de l'intellectuance. Et l'homme, donc, ne comprend pas, l'homme ne fait qu'expérimenter. Vous ne pouvez pas expérimenter un savoir. Vous pouvez expérimenter une émotion. Vous pouvez vivre une émotion. Le savoir, vous pouvez que découvrir que vous le savez. Et là, vous êtes content, vous expérimentez le contentement. Vous êtes déçu de ne pas l'avoir su avant, vous expérimentez la déception. Mais l'homme ne peut pas expérimenter le savoir. Ça ne s'expérimente pas. Seule l'émotion s'expérimente, et pour l'expérimenter, elle doit être vécue, et pour être expérimentée, elle doit être comparée. Et pour être comparée, c'est la vie psychologique, pour être comparée, il peut y avoir évidemment des disparitions de cette émotion, des disparitions de l'antagoniste, pour que l'homme puisse savoir si cela a été bon ou si cela a été mauvais. Une fleur est belle parce qu'un autre est laide. Sinon, vous ne savez pas si c'est bon ou pas beau. Vous devez la comparer. Jusqu'à un temps où vous allez être capable d'observer mentalement une fleur pour trouver la fleur belle sans y accoler de mots, sauf si on vous parle, pour la trouver belle, pour, différemment du contexte psychologique, connaître la fleur, l'être en même temps qu'elle, savoir percevoir quelque chose de différent, de plus profond, de mieux, et quel que soit l'état de la fleur. Et là, vous allez savoir de par vous-même, sans comparaison, que la fleur est belle. Vous ne pourrez jamais savoir que la fleur est laide. Ça ne sera jamais laide. Donc, le désir, comme la joie, comme la majorité des émotions, je ne pense pas que ça va disparaître, je ne pense pas qu'on devrait les faire disparaître, on ne doit pas les faire disparaître. Je sais que ça va disparaître parce que c'est une absurdité, c'est une aberration. Et l'homme qui s'améliore refuse de s'aberrer, refuse les aberrations. On ne peut pas être meilleur tout en gardant le pire chez soi. Et on ne peut pas être meilleur s'il faut expérimenter le fait d'être meilleur. Lorsqu'on parle d'humilité, à l'instant même où la personne expérimente l'humilité, elle n'est plus humble parce qu'elle le sait. Égoïquement, elle sait qu'elle est humble. Égoïquement, elle sait que lorsqu'elle fait telle chose, elle est humble. En réalité, égoïquement, elle sait que lorsqu'elle fait certaines choses, tout le monde dit qu'elle est humble. Elle va s'en flatter. Elle n'est plus humble. Réellement, cosmiquement. Dans l'apparence, elle reste humble. Une personne ne doit pas le savoir. Lorsque c'est su, c'est expérimenté. Lorsque c'est expérimenté, c'est donné à l'ego. Lorsque c'est donné à l'ego s'en complaît. Alors donc, la joie. Et toutes ces choses-là vont disparaître. L'homme ne sera plus joyeux parce que l'homme ne sera plus triste. L'homme ne sera plus heureux parce que l'homme ne sera plus malheureux. Qu'est-ce que l'homme va être? Ça va être meilleur, ça va être plus beau. Et c'est que tu dis que... Non, c'est l'impression que toi, tu te poses la question. L'impression que lui veut donner, c'est que par rapport à la question, c'est le supposer que personne mentale n'a pas d'émotion, donc ne peut pas avoir de plaisir. Personne mentale, ou personne plate à vivre. C'est ça, plate à vivre, qui rit jamais, qui est bête, ça mènerait à ça. Ça, c'est vu... Disons que si on aurait cette conception-là qu'un homme mental, d'ailleurs, c'est le gros problème. Chaque fois que je parle de l'homme mental, chaque fois que je parle de la disparition de l'émotivité, de l'émotion, chaque fois que je parle de ces choses-là, c'est toujours le même mécanisme. Ouais, mais ça va être plate en maudit. C'est sûr que ça va être plate. Celui qui aime pleurer, celui qui aime s'ennuyer, va trouver ça plate en maudit, s'ennuiera plus, puis pleurera plus. Celui qui aime souffrir, ça va être plate, il souffrira plus. Et tous ceux qui recherchent le bonheur le recherchent parce qu'ils souffrent. Sinon, ils ne rechercheraient pas le bonheur, ils ne souffriraient pas. C'est ça l'état que l'homme mental va vivre. Il ne recherchera pas le bonheur parce qu'il ne souffrira pas. L'homme ne recherche pas le bonheur parce qu'il est intelligent. Il recherche le bonheur parce qu'il voit l'antipode de ce qu'il vit. Mais le bonheur, il n'arrive jamais à le vivre. Ça ne se vit pas, ça n'existe pas. Le bonheur, c'est un concept. Le malheur se vit, s'expérimente, se touche, se sent, se brouille, se pète. Mais le bonheur ne se vit pas. Seul le malheur est perceptible. L'homme recherche le bonheur parce que l'homme recherche un contexte paradisiaque qui serait l'antipode de ce qu'il vit. Et lorsque l'homme a un break, l'homme se dit, gars, être de même tout le temps, je serais bien. Il y en a plein qui sont tout le temps comme ça et qui se suicident, qui se rendent la vie dure, qui se rendent, qui essayent de goûter au malheur. Parce que le bonheur n'existe pas, même quand tu peux rien. Le fait de ne plus avoir de malheur, ce n'est pas le bonheur. C'est l'absence de malheur. Et ce que l'homme recherche comme bonheur, c'est le fait de ne plus avoir de malheur. Le fait de ne plus avoir de malheur dans le cadre d'évolution de l'homme psychologique amène cet homme à ne même plus savoir qu'il vit. Parce que l'homme, pour savoir qu'il vit, doit être contrarié. L'homme psychologique. Il doit être contrarié, sinon il n'y a pas de jugement. Il ne peut plus savoir, il s'oublie. Il n'y a plus d'importance, personne n'y parle, personne n'y gueule, on l'estime plus. Il ne se pense plus rien. Tout est facile, il y a tout. C'est plate. Très, très, très plate. Prenons Elvis Presley. Il s'en allait, il sortait sur la rue, il voyait une femme qui ressemblait à sa mère, il allait la voir, puis il disait, mais il me sort avoir une Rolls Royce. Il s'en allait en Afrique, il achetait un pot de beurre de pinot qu'il aimait, puis il revenait, puis il bouffait ça avec ses chums chez lui. Souvent, souvent, souvent, souvent. Il se promenait sur la rue, il voyait quelqu'un, il faisait pitié, il allait voir le gars, il disait, aimerais-tu savoir 500 000 piastres? Il faisait un chèque, il faisait 500 000 piastres. Puis il le fait régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il était écœuré, c'était plate. Fallait qu'il fasse des folies. Fallait qu'il fasse de quoi qu'il fallait, puis il est mort gros, obèse, malade. Parce que c'était plate. Il y avait tout. Il avait son avion privé, il avait tout. Il allait en Afrique acheter du beurre de pinot. Il revenait, il bouffait ça. Il partait de sa maison. Il s'en allait à New York manger dans un grand restaurant. Il rencontrait, donnait rendez-vous à Los Angeles avec ses amis. Il descendait après ça à Miami. Il s'en allait en Europe. Il revenait dans la même journée. C'était plate. Alors, la personne qui n'a plus de contrariété va en créer parce que c'est la seule façon qu'elle a de savoir qu'elle est là. Mais ça, c'est d'ordre psychologique. Un homme mental, ça va-t-il être plate? Chaque fois que ceux qui me connaissent proches me trouvent plate, c'est parce que je suis un homme psychologique à ce moment-là. Mais quand je suis une personne mentale, je suis pas plate. Je suis loin d'être plate. Puis la personne qui devient mentale, elle n'est pas plate, elle est loin d'être plate. Elle est encore bien plus fun à vivre qu'un être humain conventionnel, parce que l'être humain conventionnel, il est assujetti un jour à venir broyer à votre porte, à ne pas vouloir embarquer dans votre jeu, à ne pas vouloir jouer au tennis parce que là, ça n'étend plus, à ne pas vouloir sortir, aller se promener dans un parc parce qu'il y a trop de moustiques, à ne pas vouloir faire quelque chose, ça va mal avec son patron, parce que ça va mal dans la vie. Ça, c'est l'être psychologique. Lui, il est plate à vivre, parce que lui, de temps en temps, lui, tu sais jamais. L'homme mental, tu le sais. Il va te dire non, mais tu sais qu'il s'ennuie pas, tu sais qu'il est pas mal pris, tu sais qu'il est pas malheureux. Il a raison de faire d'autres choses. Toi, tu fais d'autres choses. Tu ne t'ennuies pas, t'es pas plate à vivre. Puis les farces, rire. Tout à l'heure, on parlait que la colère mentale, c'était un des mécanismes de la réorganisation. Interne et externe. Et le rire, c'est un mécanisme aussi de réorganisation. Et l'homme du Verseau va être un guiluron, c'est le cas de le dire. Il va rire, il va s'amuser pour rire. Parce qu'il va rire dans le plan où est-ce qu'on peut rire. Dans le plan de l'astral. Mais il va rire en maudit. Il va s'exprimer dans l'astral. Il va continuer à s'exprimer dans l'astral. Il a besoin par le rire. Il va s'amuser. Il va prendre un goût à la vie comme l'homme n'en a jamais eu parce qu'il n'aura pas peur de la vie. Il n'aura pas peur de rien. Et puis, il va s'amuser. Il va s'amuser parce que, imaginez-vous bien qu'il y a deux formes de rire chez l'homme. Il y a deux formes de rire. Il y a un rire psychologique et un rire créé par le mental. Le rire psychologique, c'est lorsque nous poussons, par exemple, une farce reliée au sexe. Une farce plate. Bien plate. On va s'expliquer. Certains ont ri, mais la farce était mentale. Prenons les farces, par exemple, que lorsque tu... disons que je m'adresse quand même à une clientèle qui est un peu plus mentale que la normale. Alors, c'est compliqué de donner un exemple, étant donné que l'exemple est perçu mentalement. Prenons... Bah, une sœur qui se promène dans un jardin, là, je ne pousserai pas la farce trop trop au bout, là. Et puis, à un moment donné, bon, ben, ramasse des champignons. Vous connaissez la suite? Peut-être. Et il y avait un frère, en tout cas, qui était à poil couché dans le jardin, qui s'est fait cueillir le avec pas. Quand les enfants comptent ça, puis quand les adultes comptent ça, ils rient tout. Ils rient parce qu'ils sont gênés. C'est une farce, c'est sur le sexe, c'est comique. T'as des livres de farce sexuelle, là, tu vas lire, là, tout le monde rit. Il n'y a rien de drôle. Il n'y a absolument rien de drôle dedans. C'est pas une farce mentale. Le mental va rire lorsque tu crées un agencement qui, à la fin, est complètement absurde, illogique. Le mental va prendre plaisir à rire de ça. Parce qu'il y a de l'illogisme et il va rire de l'illusion que tu es en train de créer chez lui. Puis après ça, il découvre l'illogisme. Puis c'est comique. L'illogisme, c'est la subtilité. Le mental a besoin de subtilité. C'est drôlement plus riche, c'est bien plus fun. Puis c'est drôle, d'autrement plus fun que les autres comprennent pas ta farce. C'est drôlement plus fun, parce qu'une farce, c'est bien plus fun lorsqu'il y en a un qui comprend, un qui raconte, puis un qui comprend pas. Parce que là, tu peux rire de la farce, puis de l'autre. C'est plus comique. Lorsqu'on parle, par exemple, de farce subtile, de farce cochonne subtile, lorsqu'on dit taisez-vous, sinon je fais éjaculer la salle, ou l'évacuer. Ça, tu te reprends. Non, c'est vrai, on fait ça seulement pendant les élections municipales. C'est des farces subtiles. Qui vont traumatiser les psychologies, qui vont faire rire le mental. Lorsqu'on parle, par exemple, d'une farce qu'on avait poussée à un moment donné, lorsqu'on parlait de la compagnie qui fabriquerait des nouvelles suces, la compagnie qui était pour le mental, qui était pro-mental, et qui fabriquerait la suce pro-mental, c'est une farce subtile. Alors, on a plusieurs... Ça, c'est des mécanismes qui amènent un rire mental. Et tu vas prendre plaisir à toujours te tirer la pipe, mais c'est pas psychologique. C'est mental. Alors, il y a donc une compétition mentale qui se fait pour le plaisir. Que pour le plaisir. On a une personne ici un peu fou, débile, je ne suis pas satisfait, je pense pas, parce que j'ai pas, y a rien de cassé. C'est une personne qui se promène et qui continuellement se vante. Mais c'est jamais davantage. La dernière main, il y en a un qui l'a traité de maudit haïtien, puis a répondu, t'es pas un haïtien, t'es un haïssal. Il y a toujours plein de niaiseries subtiles. C'est des farces mentales, et on peut avoir du fun. Alors, la personne qui devient mentale, c'est pas une personne plate à vivre. C'est mauditement plus intéressante à vivre qu'une personne qui est psychologique. Qui pousse des farces à prise, qui est pas capable d'en inventer, qui est pas capable d'en créer, qui est capable de se taire quand il faut être sérieux, puis qui est capable d'amener des farces correctes quand il faut l'être. C'est pas une personne qui est toujours en train de tout transformer sa vie en farce. T'as un problème avec ta femme. Ah oh, oui, je le sais, oui, elle m'a écrasé le pied hier. La personne, tu ne peux pas y toucher, des farces psychologiques. Jamais rien de drôle, toujours des platitudes. On rit par politesse. Alors, la personne mentale, elle est drôlement plus fun à vivre parce qu'elle sera un humoriste. Elle aura une connaissance, elle aura un contrôle de la langue, un contrôle de sa parole, puis elle pourra s'amuser, mais s'amuser comme jamais l'homme s'amuse. Alors, faites-vous-en pas que l'homme du Verseau va rire. D'ailleurs, on va le traiter de fou, surtout parce qu'il va rire. Puis ça, c'est pas une farce. L'homme du Verseau va surtout être traité de fou parce qu'il va rire. Quand une personne est capable de rire à l'heure de sa mort, c'est un fou. Elle va rire. Les autres riront pas, vont broyer. Comme on dit, ces farces-là, souvent, c'est des farces qui... même s'ils devraient toucher par rapport au monde, toucher ta psychologie, te touche pas. Non, c'est des farces que tu sais que c'est une farce. Lorsque c'est des farces mentales. Évidemment, c'est pas ça avec des personnes mentales, c'est l'autre, sinon l'autre s'en touche. Deuxième question. Est-ce qu'une personne qui n'a pas encore une complète compréhension du mécanisme de la colère mentale peut en avoir quand même les effets, les résultats? C'est évident. La colère mentale, elle est de plusieurs niveaux. La personne qui commence à avoir une idée de ce qu'est la colère mentale et qui commence surtout à appliquer ce mécanisme de colère mentale, On a fait un séminaire et il fallait en faire un. Ceux qui ont passé par le séminaire, de temps en temps, on va pouvoir préciser, ils vont pouvoir se pratiquer, s'entraîner. On va pouvoir développer l'énergie de la parole dans la colère mentale. Sachons bien ceci, que l'énergie de la parole est ce qui vient graver dans l'astral et l'événement et l'émotion. Et c'est important. Donc, lorsque nous avons une colère mentale, nous devons étudier la voix. C'est-à-dire que nous devons avoir une voix, une tonalité, une vibration qui dénote une maîtrise. Un contrôle de l'homme, de la femme, un contrôle énergétique, pour pouvoir appuyer de l'autorité dans l'astral. La personne qui n'est pas capable d'appuyer de l'autorité dans l'astral, lorsqu'elle fait sa colère mentale, elle ne fait pas de colère mentale, et ce qu'elle fait va glisser sur le bouclier de l'astral, et il n'y aura rien de gravé à part l'événement. Et l'événement ne viendra pas perturber l'astral, parce que l'astral est trop imbécile pour l'instant pour prendre conscience de ce qui est en train de se faire. Mais lorsqu'une personne parle, et lorsqu'une personne ordonne à l'astral certaines choses, elle n'a pas besoin d'être dans une phase de colère mentale. Parce que ce qu'elle dit est, ce qu'elle dit vous doit être obéi. Ça ne se peut pas que ce qu'elle dit ne soit pas obéi. Pas compris. On ne demande pas à l'astral de comprendre. Demandez au verre d'eau de comprendre. Comprendra pas. Gâchez-le sur un mur, il se brise. Comprenne, comprenne pas, il se brise. L'astral, on lui demande pas de comprendre. Pour l'instant, ça ne sert à rien. Mais la voix, les mots, l'intonation, ce que l'homme emploie pour pouvoir graver dans l'astral sa trace, ça, c'est à cultiver. Ça, c'est important. Lorsqu'il y a panique dans la colère mentale, c'est de la colère astrale. Lorsque je dis, c'est assez. Lorsque je dis que c'est assez, je ne suis pas en colère mentale, mais j'ai l'autorité. Et c'est beaucoup plus puissant que la colère mentale. Mais la colère mentale va vous amener à être sûr que lorsque vous dites que c'est assez, que c'est assez. Sans que vous reveniez en arrière. Ceux qui commencent à pratiquer la colère mentale, vous placez un pied sur un terrain dangereux. Et ce terrain n'est dangereux que si vous retirez votre pied. Il est dangereux que si vous fermez les yeux. Il est dangereux que si vous reculez. Il y a bien des manières de reculer. Pardon, c'est un recul. Peut-être que pas toute l'astral, c'est un recul. Vous avez peur, c'est un recul. Je suis pas sûr, c'est un recul. Le doute de ce que vous êtes dans l'astral, c'est un recul. Reculer, c'est pas la mortalité. Reculer, c'est un recul. Mais c'est plus dur de recommencer à avancer. Moins on recule, plus c'est facile. Parce que tant que le taux avance, puis qu'il neige, ça avance. Mais quand le taux arrête, puis que la neige s'amoncelle autour des roues, bien pour repartir, ça prend pas mal plus d'énergie. Puis reculer pour reprendre une meilleure élan, pas dans l'astral. Parce que le temps que vous reculez, vos traces se font boucher par la neige. Fait que votre élan est toujours à zéro. La colère mentale, c'est parce que ça prouve votre écœurement. Et lorsqu'une personne est écœurée et qu'elle a l'énergie de soutenir son écœurement, donc de s'appuyer pour dire « j'en ai assez, je fonce », pas « j'en ai assez, je me sauve ». Lorsque j'en ai assez, je fonce, que tu fonces ou pas, l'astral se sauve. Mais après 10 ans de j'en ai assez, je fonce sans foncer, l'astral a été instruit. L'astral se sauve plus. Après 10 ans, après 5 ans, après 4 ans, après 2 ans, après 6 mois, après 2 mois. La colère mentale, elle demande une énergie et elle demande surtout que vous ne reculiez pas. On le fait ou on le fait pas. On n'essaye pas. Il n'y a pas d'essai. C'est mental. C'est ou c'est pas. C'est tout. Lorsque la personne s'adresse à des entités astrales, s'adresse à l'astral, s'adresse à rien ou à tout, elle doit purifier, elle doit savoir dans sa tête qu'elle doit être son seul maître, et pour être son seul maître, elle doit comprendre l'intelligence de cette affirmation. Et c'est mauditement important de comprendre l'intelligence de l'affirmation. Sinon, ça vaut rien. Ça vaut absolument rien. C'est pas parce que l'ego dit « je suis mon seul maître » et que toute l'astral puisse dire « ben oui, tu caves ». Pense ça. Pendant ce temps-là, on va continuer à tirer ficelle. C'est pas comme ça qu'on marche. Faut que vous sachiez ce que vous dites. Faut que vous sachiez ce que vous faites. C'est pas une mantra. C'est pas une prière. C'est pas une stupidité spirituelle que vous répétez lorsque vous faites une colère mentale. Que vous preniez un texte que vous aviez composé vous-même, que vous en composiez un. Faut que chaque mot soit compris intelligemment. Il n'est pas compris, ben ôtez-le. Il y en manque, rajoutez-en. Ça doit être clair. Chaque mot a sa place. Lorsque je dis « je suis mon seul maître », « je suis » exclut le temps. « Je définis qui parle ». « Mon » « je m'appartiens ». « Seul » unique, maître, pas je suis mon seul guide, pas je suis mon seul sentier, pas je suis comme équinoxe mon sentier pendant que je suis mon seul sentier. Je suis mon seul sentier des notes aussi que je dirige personne. Je suis ma propre lumière des notes qui se passent rien, non? Je suis mon seul maître. Je maîtrise moi. Et rien ne me maîtrise, sinon je ne suis plus mon maître. Je suis Daniel. Je suis mon seul maître. Je suis aussi puissant que j'ai besoin de l'être. Je n'assujettis personne. Mais rien ne peut m'assujettir. J'ai besoin de l'univers. Mais l'univers a besoin de moi. Je suis mon seul maître. Rien est superflu. Rien est manquant. Parle-moi de la différence entre faire une colère mentale et de faire ce qu'une personne pourrait appeler une colère mentale à l'intérieur, comment dire, en pensée. La pensée, c'est de la merde. Alors, si vous voulez vous nourrir là-dessus, commencez au moins dans le matériel, c'est là que c'est plus facile. Si je le fais en pensée, je ne crée rien. Parce que le mental, je le réexplique, le mental ne s'exprime par la pensée que parce qu'il en est obligé, parce qu'il doit instruire l'ego. Et si le mental s'exprime directement par la parole, il ne passe pas, et j'ai déjà parlé de ce mécanisme dans une conférence spéciale dans les débuts, il ne passe pas par la coloration de l'ego, ou très peu. Parce que lorsque vous pensez, vous énergisez votre pensée, vous énergisez les mécanismes de l'intellect, vous énergisez les mécanismes d'expression colorative de l'astral. Lorsque vous parlez, votre voix énergise votre mental, si vous prenez une voix adéquate, et plus vous allez parler, plus vous allez énergiser votre mental, et plus vous allez énergiser votre mental, plus vous allez parler ajusté. Vous ne penserez pas ajusté. L'homme ne peut pas avoir une pensée réellement juste. On dit que la parole ajuste la pensée, c'est-à-dire que la pensée devient tributaire du mental jusqu'à un point où la pensée va cesser d'exister chez l'homme. Vous devez en arriver à pouvoir tout faire sans y penser. Tout doit se faire seul, selon les moyens d'expression créés par chaque plan. L'énergie supramentale crée l'ajusteur de pensée. L'énergie mentale va créer ses propres moyens d'expression. Présentement, il se sert pour s'exprimer des moyens donnés par l'astral. Et par ce biais, l'astral le colore. Lorsque je maudis l'astral dans ma tête, c'est que je n'ose pas graver dans la mémoire vibratoire de mon être psychologique ce que je dis. Je pense, Dieu, t'es un maudit chien. Ça n'a jamais la même portée que de crier, Dieu, t'es un maudit chien. Ça n'a jamais le même pouvoir. Le faire dans sa tête, c'est que vous ne vous adressez à rien à l'extérieur. Et ce qui vous embête le plus, ce n'est pas votre psychologie chez vous. C'est les affinités qu'elle a avec l'extérieur. Les affinités qu'elle a à être manipulées par l'extérieur. Alors donc, de vouloir faire le travail chez soi, c'est de la spiritualisation. Et le travail doit se faire à l'intérieur comme à l'extérieur en même temps. Et lorsque je m'adresse à l'astral à voix haute, je parle en dedans et je parle en dehors. Et l'énergie vibratoire de ma parole reste. De ma pensée, non. Elle disparaît tout de suite. Lorsque nous faisons une colère mentale chez soi, c'est bien simple. Faites-vous écœurer par quelqu'un, puis mettez-vous en colère dans votre tête. Vous continuez à vous écœurer. Puis vous allez continuer à être écœuré. Colère ou pas. La seule colère mentale qui fonctionne dans la tête, vite! Je suis con, je me laisse emporter, il ne devrait pas m'écœurer, puis là vous vous mettez en colère contre vous. Non, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Est-ce que c'est opportun de faire une colère sur la personne? C'est à vous d'être conséquentiel et de décider. Mais une colère mentale ne se fait jamais contre l'homme, parce que je répète que l'homme n'est responsable de rien. C'est l'astral qui manipule l'homme qui est responsable, et nous devons faire une colère contre l'astral, contre le manipulateur, et jamais contre l'homme. L'homme n'est responsable de rien, parce que l'homme ne sait même pas qu'il est quelque chose. Et l'homme fait ce qu'il croit bon d'être fait. Et on ne peut maudire un homme parce qu'il fait ce qu'il croit être juste. Même si ce qu'il fait est injuste, même si ce qu'il fait est faux, maladif, démoniaque, satanique, ce que vous voudrez. On ne peut pas en vouloir à l'homme. Il ne sait pas et il ne comprend pas. Et si on veut qu'il comprenne et qu'il ne peut pas comprendre, on ne peut pas y en vouloir, on ne peut s'en vouloir qu'à nous de gaspiller nos énergies, parce que l'homme n'a pas l'énergie pour comprendre. Ça fait une colère mentale dans sa tête. C'est comme aller aux toilettes sans baisser ses culottes. Tu dis qu'on doit développer la colère mentale pour qu'elle devienne un réflexe. Peux-tu expliquer davantage, Rénal? Chez l'homme psychologique, l'homme qui est assujetti à oublier, parce que l'homme n'évolue qu'à partir de ce qu'il se souvient. J'ai oublié de me contrôler, donc je ne me suis pas contrôlé. J'ai oublié de respirer, donc je n'ai pas respiré. Tout ce que l'homme apprend et que l'homme oublie, l'homme ne le met pas en pratique. Donc, pendant ce laps de temps où l'homme n'est pas intelligent, où l'homme ne devient pas prescient, où l'homme ne sait pas avant de savoir, pendant donc l'étape de conscientisation transitoire entre l'astral et le mental, l'homme doit développer des réflexes mentaux au même titre qu'il a des réflexes psychologiques. Et ces réflexes mentaux, en l'occurrence la colère mentale, vont permettre à l'homme de ne pas avoir à se souvenir qu'il doit résister à l'envahisseur. Il doit résister à l'envahisseur. Lorsque vous recevez un coup de poing dans le visage et que votre pensée se met à dire « Tiens, un coup de poing, je devrais le bloquer », la pensée poursuit en disant « Merde, je l'ai mangé ». Et si vous bloquez le coup de poing parce que vous avez développé un réflexe physique, vous ne mangez pas le coup de poing. Chaque fois que l'homme est envahi et que l'homme se sert d'un réflexe inintelligent, un réflexe psychologique, il agit immédiatement. Les réflexes mentaux sont des réflexes qui ne peuvent être acceptés que par l'intelligence, parce que ce sont des réflexes qui ont tendance à détruire l'astral, à détruire la psychologie. Donc, c'est des réflexes qui deviennent mentaux. Et lorsque l'homme, chaque fois que l'homme, et pour développer un réflexe, soit dit en passant, l'homme doit ne pas oublier. C'est-à-dire que l'homme doit se souvenir de résister à l'envahisseur jusqu'à temps que cela soit incrusté chez lui. La majorité des réflexes sont transmissibles. C'est déjà un bon point d'avoir un réflexe. Et ce réflexe va permettre à l'homme de ne plus avoir à se souvenir qu'il doit résister parce qu'il va résister. Étant donné que c'est un réflexe mental, il aura comme particularité d'informer l'homme, d'informer le mental de l'homme que ce réflexe est présentement en opération. Et c'est ça qu'il y a de différent lorsque nous développons des réflexes mentaux. Cela veut dire que le réflexe psychologique, je vois du sang et j'ai le goût de perdre connaissance, je perds connaissance, mais j'ai pas su ce qui se passait. On me dit des bêtises, je réagis en disant des bêtises, je sais pas ce qui se passe. Le réflexe mental, je me sens envahir, je résiste en prenant conscience que je suis en train de résister. C'est-à-dire que je fais une colère mentale en prenant conscience que je suis en état de colère mentale. Le réflexe mental avertit automatiquement le mental que ce réflexe est en opération. Exactement comme le corps physique. Je touche, ça brûle, le réflexe se met en opération, je lâche, et mon cerveau sait que je me suis brûlé. Le réflexe psychologique, je touche, ça brûle, je lâche, et je ne sais pas. Je retouche, ça brûle, je lâche, et je ne sais pas. Je retouche, ça brûle, je lâche, et je ne sais toujours pas. Donc, je répète ce réflexe psychologique longtemps, de vie en vie, d'année en année, et jamais je ne le corrige, parce que je ne prends jamais conscience qu'il est en opération. Tant que mon mental me parle le biais de l'observation, ne pourra pas dire « Tiens, je viens de voir ce qui se passait ». Le réflexe mental, « Ah, ça brûle, je lâche et je le sais ». Je peux dire « Oh, réflexe, ferme ta boîte ». Donc, je peux dire « Hip, je contrôle ». Et c'est l'apanage du physique comme c'est l'apanage du mental. Alors, ce réflexe mental va être développé par la pratique. Au début, l'homme doit se souvenir de pratiquer. C'est pourquoi je vous dis de pratiquer. Et à un moment donné, ça devient un réflexe mental. Et les réflexes mentaux, on va en développer de plus en plus. Il va falloir. Et à un moment donné, l'homme aura cette préscience. L'homme saura sans savoir. Et les réflexes auront plus raison d'être. Ils vont disparaître tout seuls. Parce qu'ils n'y sont pas attachés par le mental. Le mental fait ce qui est intelligent, logique. Le réflexe est plus bon, le réflexe tombe. Le réflexe ne devient jamais une habitude dans le plan du mental. Tu as parlé de véhicule d'expression mentale. Peux-tu en nommer? Je peux en nommer, mais je n'en nommerai pas, étant donné que ça peut permettre, ça peut forcer certaines personnes à vouloir développer ces véhicules, alors qu'ils devront se développer seuls. mais c'est des véhicules qu'on ne connaît pas. Et pour parler de véhicules, sachant que la colère est un véhicule, que la parole est un véhicule, que le corps sert de véhicule, le physique va être un des premiers véhicules du mental, mais disons que d'une autre façon, pas comme on le connaît présentement, la joie est un véhicule de l'astral. Quand je parle de véhicule, je parle de moyen d'expression. L'écriture est un véhicule qui est souvent relié à l'astral, la peinture, etc. Alors donc, quand je parle de véhicule, je parle de mécanismes d'expression, et les véhicules d'expression du mental vont être différents de ce que l'homme connaît. C'est pourquoi on dit souvent que l'homme, et Aurore Bindo veut commencer à parler de la genèse du surhomme, parce que l'homme nouveau ressemblera pour l'homme ancien à réellement un surhomme. Et les véhicules, ils vont se développer seuls. Autrement dit, on fait le travail, puis le véhicule se forme. Exactement, et moi je ne parlerai pas des véhicules, du moins pas avant longtemps, parce que ça va nuire. La psychologie va tenter d'imiter, de commencer la création d'un véhicule, alors que ce véhicule devra apparaître plus tard. Alors, instruire l'astral, est-ce que cela fait que l'astral est sous notre contrôle, mais aussi que l'on peut faire travailler pour soi, autrement dit faire travailler l'astral pour soi? L'homme nouveau devra asservir l'astral et se servir des mécanismes de l'astral planétaire pour, comme un esclave. Il devra s'en servir pour faire tout ce qu'il a besoin de faire. Et tant que l'homme a des désirs psychologiques, l'homme est asservi par l'astral. L'homme sert l'astral, et dans l'astral, il y a des petits, des moyens et des gros. Alors l'homme peut s'imaginer qu'il a à son service de l'astral, ce qui est vrai, alors qu'en réalité, il est aussi au service de l'astral. Et cela ne doit pas être. Donc, le manipulateur doit être manipulé par l'homme, par l'intelligence mentale de l'homme. L'astral est une créature de l'homme, et l'astral doit servir l'homme. Dieu doit servir l'homme, et Satan doit servir l'homme. Parce que l'homme n'est pas un dieu. L'homme n'est pas un dieu. Pour qui l'homme est-il un dieu? L'homme est un esclave bâtard. L'homme n'est pas un dieu. Et Dieu est dans l'homme. Évidemment que Dieu est dans l'homme. Parce que Dieu, c'est l'astral pour l'homme. Comme c'est bourré d'astral dans l'homme, ben Dieu est dans l'homme. Mais lorsque l'homme commence à contrôler l'astral, l'homme devient un dieu pour l'astral, plus pour lui. Puisque l'homme n'est pas un dieu. L'homme est autre chose qu'un dieu. L'homme est bien mieux qu'un dieu. Et lorsque l'homme devient un dieu, il le devient pour les autres. Hélas. Il le devient pour l'astral planétaire. Hélas. Jamais pour lui. L'homme va devoir se servir de l'astral, et l'astral a besoin d'être instruit. L'homme a besoin présentement d'être instruit, parce que l'homme est psychologique. L'homme recherche la connaissance. L'homme recherche le savoir. L'homme recherche les maîtres. L'homme recherche les livres. L'homme recherche l'instruction. Parce que l'homme a besoin d'être instruit. Parce que l'homme est un homme psychologique. Parce que l'homme est un homme astral. Et lorsque l'homme devient mental, lorsque l'homme a cette préscience, ce pré-savoir, ce savoir avant de savoir, ce savoir inexpérimenté, lorsque l'homme devient l'homme, il doit poursuivre l'instruction de l'homme. C'est-à-dire qu'il doit poursuivre l'instruction de l'astral, la seule parcelle énergétique planétaire qui a soif de connaissance, qu'il habite l'homme ou non. Et nous devons instruire l'astral et nous devons nous servir de l'astral parce que l'astral est un serviteur de l'homme. L'astral a été créé pour permettre au mental de s'asseoir sur la planète Terre, et une fois que le mental sera bien assis, le mental pourra régner sur la chaise, sur ce sur quoi il est assis. Et l'astral va l'accepter. Autant l'homme est heureux de rencontrer le maître, autant l'astral a hâte de rencontrer Dieu. L'homme a hâte de rencontrer Dieu. Et lorsque Dieu va apparaître, l'homme va être satisfait. Mais l'homme qui a hâte de rencontrer Dieu, c'est l'astral dans l'homme. Et lorsque l'homme va devenir ce Dieu pour l'astral, l'astral ne luttera plus. Ce sera fait de l'homme, l'homme ne sera plus un Dieu, il n'y aura plus de Dieu dans l'homme. L'homme sera le maître de Dieu. J'ai plusieurs questions qui se rapportent à des phénomènes qui sont arrivés après le séminaire. Je vais en poser une directement, disons que ça accompagne plusieurs questions. Comment réagir face aux accidents et maladies qui arrivent suite à une colère mentale? En continuant à leur parler et à affirmer qu'on est son propre maître. Deux choses. Rire de ce qui se passe, puis continuer à gueuler. Autrement dit, il ne faut pas avoir peur. Oh! Ça, si tu as peur, t'es faite. Faites pour un bout de temps. Vous vous ressaisissez, vous continuez. L'homme n'est jamais fait à zéro. Ah, évidemment. Vous manquez votre coup une fois, vous avez la chance, la possibilité de le manquer une infinité de, une infinité de fois. 1 800 000 000 de fois. Ça ne dérange rien. C'est juste plus dur de recommencer. Ça ne change rien. Puis si vous ne voulez pas recommencer, un jour, vous allez devoir recommencer. Ça ne change rien. Donc, si c'est pas directement une question, on s'en servir, c'est devenir mental, OK? C'est-tu préférable d'être dans un cadre ou un milieu mentalisant? C'est préférable de faire un travail dans un milieu mentalisant et c'est préférable aussi de ne pas se restreindre présentement à un milieu exclusivement mentalisant. Parce que l'homme, présentement, qui se mentalise, doit goûter à la mentalisation, au mental, mais il doit aussi expérimenter l'astral parce qu'il est encore dans un mécanisme évolutif où il a besoin de points de comparaison. Celui qui rentre dans un club juste mental, dans un monastère mental, présentement, ne deviendra jamais mental. Il sera une collectivité qui sera au service des mentales du monastère. Parce qu'il ne pourra pas goûter la différence. Il ne pourra pas goûter le problème. Pour devenir mental, vous devez régler les problèmes qui vous touchent présentement. Alors donc, faire abstraction de ces problèmes ne vous permettra pas d'être mental. Les régler va prouver, va exprimer, prouver, on s'en fout à personne, va quand même prouver que vous comprenez et que vous avez réglé par la force du mental. Donc, c'est préférable d'être dans un cadre où il y a de la mentalisation pour pouvoir toucher, goûter. Mais on ne doit pas quitter sa famille, son emploi, son milieu social et essayer d'être dans un cadre exclusivement en phase de mentalisation. Non. Et l'autre partie, c'était que, demande un peu, par rapport à tous les pièges qu'on retrouve par rapport à l'astral dans nos journées, par rapport à tous les autres moyens qui existent pour devenir mental, disons, pour se mentaliser sans nécessairement être dans un milieu, c'est aussi bon. Répète. Que tous les pièges que tu retrouves, soit de l'astral ou dans tes journées, dans ta journée, lorsque tu fonctionnes, des pièges de l'astral, sont aussi bons pour te faire mentaliser que rester dans un cadre mentalisant. Les pièges, qu'est-ce qu'ils font? Ils font simplement prouver que tu as permis leur venue. Et si tu as permis la venue d'un piège, c'est que tu ne comprends pas l'intelligence de l'absence de ce piège. Donc, le fait d'avoir des pièges dénote que vous avez un manque de connaissances dans les lois régissant l'évolution. Alors, évidemment, je ne suis pas là pour vous ôter ces pièges. Vous ne verrez jamais comment les ôter, c'est-à-dire comment empêcher leur naissance. Alors, il est bien évident que les problèmes quotidiens de la vie sont en plein ce que l'homme a besoin. Et même que dans le PMC, on fait plus. On amène les individus à faire plus de choses parce qu'ils n'ont pas assez d'événements dans leur vie. Alors, réellement, les événements dans ta vie, tu en as besoin. C'est ceux-là qui font que si cela est advenu, c'est que tu n'as pas compris ce qu'il fallait faire pour que cela n'advienne pas. Tu tombes en bas de ton cheval, c'est de ta faute. Tu as un accident d'auto, c'est de ta faute. Parce que tu as laissé ces mécanismes apparaître et tu as laissé l'extérieur mener ta vie. Tu ne comprends pas comment faire pour l'empêcher, soit. mais c'est dans le vivant qu'un jour tu comprendras si tu as l'énergie pour le vouloir se comprendre, pour vouloir cette compréhension. Sinon, évidemment, oublie. Tu vas revenir plus tard. La colère mentale est un outil pour devenir maître de l'astral. C'est pas tout à fait une question. La colère mentale est un outil pour permettre à l'homme d'avoir, pour permettre à l'homme de pouvoir se passer de la colère mentale pour donner à l'homme une autorité sur lui et ensuite sur l'astral. Et je répète bien l'important. Cela va permettre à l'homme de donner de l'autorité, de se donner de l'autorité et d'en donner à, de se donner une autorité envers l'astral. Il doit se donner de l'autorité envers lui et ensuite envers l'astral. La colère mentale ne permet que ce passage. Et automatiquement que l'homme est mental, que l'homme comprend des mécanismes, l'homme en est le maître. Maintenant, il faut s'entendre par le maître. L'homme, présentement, connaît très bien les mécanismes de la poudre noire ou de différents explosifs. Il peut donc maîtriser ses explosifs. Il peut en faire ce qu'il veut, il peut construire, il peut détruire. Mais l'homme n'est pas un maître en ce sens qu'il dit à l'explosif, « Bon, alors je m'assois sur toi et puis envole-toi et amène-moi à Bagdad. » Ce n'est pas un maître psychologique. Être écologique, être conséquentiel, c'est de se servir de l'outil pour faire un travail qui est relié à l'outil. Pas pour d'autres choses. Alors, lorsque nous sommes le maître de l'astral et que je m'adresse à un astral particulier, que j'ordonne certaines choses, si l'astral ne peut pas le faire, l'astral ne m'obéira pas parce que l'astral ne peut pas. L'astral n'aura que peur de moi, il sacrera son camp et vous pourrez vous dire, ça marche pas. Parce que vous ne parlez pas au bon morceau. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir beaucoup plus tard. En ce qui concerne comment instruire l'astral. C'est quelque chose qu'on aborde dans le PMC 5, PMC 6. C'est loin pour certains, c'est très proche pour d'autres, parce qu'il y en a qui sont rendus au niveau PMC 5, où on va commencer à voir comment instruire l'astral. On a instruit l'homme que l'homme était bâtard et qu'il y avait des religions et qu'il y avait un dieu. On va instruire l'astral, que l'astral est bâtard. On va créer des religions astrales pour l'astral. Et on va créer des dieux. Devrons-nous un jour affronter Satan avec d'autres outils? Ça n'a aucune importance. La question, c'est pourquoi la colère mentale ne l'attire pas? Ça n'a aucune importance. Non. Chose qui est certaine, faites-vous-en pas, ça ne l'attirera pas. Comment surmonter l'identification individuelle à une race qui est amenée à disparaître? Comment surmonter l'identification individuelle à une race qui est en train de disparaître? Exemple, je suis français et je sais que la race française, possiblement, qu'elle va disparaître. Comment combattre? Comment, je veux dire, surmonter l'identification personnelle que j'ai d'être français? Tu ne peux pas avoir une identification individuelle à une race. Tu as une identification collective à une race. Comment? C'est simple. Lorsque l'homme n'est plus, l'homme n'appartient plus à une race, il est individuel. Lorsque l'homme n'appartient plus, même s'il a des antécédents reliés à une race, c'est le mental de l'homme qui va déterminer ce qui va en être de lui. Pas ses antécédents. L'antécédent peut empêcher au mental de l'homme de le déterminer. Mais lorsque le mental est suffisamment énergisé pour commencer à le déterminer, il se disconnecte de toutes les races. Il est un, il est unique, il est lui. Alors, les autres races n'ont plus aucune importance parce qu'ils ne s'identifient pas et ils ne doivent plus s'identifier. que ce soit la race éthiopienne, la race vietnamienne, la race française, la race québécoise, la race américaine, quelle que soit la race, l'homme doit être individuel. On parle de l'homme nouveau, mais on ne parle pas de race nouvelle, on parle de race bleue, pour faire plaisir aux traditions, pour ne pas trop bouleverser l'astral de façon à ce qu'il ne mette pas trop d'embûches. Mais l'homme sera unique, authentiquement seul. Je n'appartiens pas à aucune race. J'ai un corps physique comme la majorité, je suis donc de la race des humains. J'ai un corps mental comme une minorité. Je suis donc de la race de cette minorité. J'ai une relation supramentale comme une mini-minorité. Mais ma race, pourquoi voudrais-je m'inclure dans une race? Pour me retrouver normal quelque part dans l'univers. Pour pouvoir dire, je ne suis pas le seul. Eh bien, il se trouve que je suis le seul à être comme moi. Et je dois rester le seul à être comme moi. Je ne dois pas éliminer des qualités que j'ai pour pouvoir me mettre au niveau de tout le monde. Et mes défauts me mettent au niveau des autres. Chaque personne pousse à sa façon et on doit couper des tiges sur tous les arbres pour en faire une normalité. C'est ridicule. Alors donc, lorsque la personne se déconnecte de son d'égrégore racial, c'est son attachement racial, elle n'est plus reliée aux races et elle n'a pas à disparaître, elle n'est plus reliée. Vous vous reliez à un karma collectif, vous allez payer le karma collectif. Coupez les liens, vous ne payez plus rien. Et c'est le mental qui va le déterminer, ce n'est pas vos antécédents éducationnels, vos antécédents génétiques. Lorsque vous avez une énergie mentale qui vous permet de comprendre, il n'y a plus aucun antécédent qui va vous nuire. Lorsque vous n'avez pas l'énergie mentale pour comprendre, effectivement, vous êtes rattaché à vos races. Pouvez-vous nous parler d'une création récente afin que nous puissions mieux voir la différence entre création et expression? C'est par rapport au début de la conférence où tu parlais de l'expression supramentale et de la création. Bon. C'est un sujet qui est peut-être un peu difficile à comprendre parce que lorsque nous parlons d'une création, automatiquement cela emballe l'ego. Automatiquement, il veut l'exprimer et il ne peut plus différencier la création de l'expression. Alors, je ne sais pas si vous saisissez, mais si je vous dis que telle chose est une création, vous allez dire, ah, mais c'est beau en crime, ça, tu as sans doute voulu le créer. Il ne peut pas y avoir pour l'homme psychologique de différence entre la création et l'expression. Pour lui, c'est la même chose. Entre l'homme mental, il va y avoir de la création parce qu'elle n'est pas désirée. Il y aura de l'expression parce que c'est quelque chose du passé qu'il transmet et qu'il a peut-être transformé un peu. Si nous parlons de création potentielle possible dans le plan planétaire, nous pouvons parler du projet OFSA. Nous pouvons parler de toute la structure du projet OFSA. Pas l'idée du projet OFSA. L'idée du projet OFSA, c'est une idée qui est antérieure. C'est une idée qui est vieille. Qui a été ratée chaque fois qu'on l'a essayé, mais qui est vieille. Mais si nous parlons de la structure de création de cette idée, elle, sous aucun point, et c'est pas parce que je le dis, n'importe quand, vous pouvez vérifier, sur aucun point, elle se rattache à quelque chose qui a été pensé ou fait, ou essayé. Sur aucun point. Ce n'est pas de l'expression, c'est de la création, pour plusieurs raisons. Parce que, premièrement, cela ne relève pas de choses déjà pensées, ni même dans des livres de fiction, ni même dans des choses essayées, disons, réelles. Et en plus, cela n'est pas un désir, parce que cela vienne ou non, cela n'a aucune importance. Pour certaines personnes, cela peut en avoir. Ils vont exprimer, parce qu'ils ont appris le projet, ils vont l'exprimer. Pour d'autres personnes, cela n'en a pas. Ils l'ont appris, ils ont compris l'intelligence, et ils ne veulent pas le faire si cela n'a pas à être fait. Ils font donc partie de ceux qui vont créer. Il y a une bonne différence du point de vue mental entre la création et l'expression. Il n'y en a aucune au niveau du point de vue, au niveau psychologique. Alors, le projet of source, c'est quelque chose qui est vieux. Toute la structure qui permet à ce projet d'être, c'est toutes des choses nouvelles, neuves. Au niveau de l'éducation, au niveau de la construction, au niveau de la vie, au niveau du loisir, au niveau du travail, au niveau de tout. Tout est neuf, vu cosmiquement, ce qui n'a jamais été fait au niveau planétaire. C'est une création, c'est une tentative, disons, de matérialisation d'énergie supramentale. Nous parlons donc de création, parce que ce n'est pas l'astral qui a commandé ce projet. Ce n'est pas l'astral qui peut régir ce projet. Ce n'est pas de l'expression, c'est de la création. L'astral peut se complaire, l'astral peut aimer, l'astral peut vouloir embarquer. Parce qu'il a eu vent du projet. Autrement dit, l'idée de ce projet n'est pas, disons, la structure n'a jamais été vue, pensée avant. Non. Tel que le projet OVSA va être instauré, tel que la technologie présentement est en train de s'affirmer, tout ce qui présentement est en train d'être créé au niveau du projet OVSA, que ce soit le PMC, qui est une base d'éducation expérimentale, que ce soit plusieurs autres choses, ce sont tous, ce n'est pas un projet qui a une ou deux particularités originales. C'est un projet qui a 100% de particularités originales. Il n'y a rien de répété. Il n'y a que du neuf. Sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. C'est une création. Et ceux qui vont participer, qui ne voudront pas nécessairement que ça arrive, qui vont être capables d'entrer dans une phase, ils vont voir l'intelligence du projet, et ils vont être capables de créer. Ils peuvent se complaire à créer. Dans cette complaisance, ils vont exprimer. Mais mentalement, ils vont créer. Présentement, l'homme exprime. Il ne crée pas. Rares sont ceux qui créent. Et le projet offre ça sur tous ses facettes. Tout, tout, tout. Il n'y a rien qui a été fait. Rien qui a déjà été vu. Rien qui a déjà été pensé. Une création globale et totale. Et c'est pourquoi, lorsque j'en parle de temps en temps, comme dernièrement, j'avais une émission à la radio, c'est soit que, le monde embarque à 100%, soit que le monde me dise que cela est impossible, que l'homme ne pourra pas s'améliorer à un point tel, que je fais de la fausse propagande pour l'homme, et un peu plusieurs choses comme ça. Bon. Pourquoi? Parce que tout est neuf. Oui, mais il y a déjà eu tel problème. Mais oui, mais c'est tout repensé. Oui, mais il y a déjà eu telle affaire, mais c'est tout repensé. Quel genre de construction vous allez avoir? Vous allez avoir des choses modernes en bois rond, ben non, des choses comme on a aujourd'hui. Ni un ni l'autre. Comme vous voulez avoir dans l'an 2000, en l'an 2200. Comment allez-vous voyager? En auto, en jeep, en avion? Pour l'instant, si je dis dans d'autres choses, encore là, on ne pourra pas. Mais tout est nouveau. Pas parce qu'il y a un snobisme d'être nouveau. Parce que c'est de la création, c'est facile et c'est intelligent d'améliorer tout. Et c'est pour ça, ça c'est un exemple de création parfaite. Au niveau du projet OVSA, tout au complet est repensé, tout, tout, tout. Les verres sont repensés. Avec ça, on va prendre notre deuxième pause, 15-20 minutes.